357e chapitre. Les chasseurs de fourrures. La faim est l'un des plus redoutables dangers. Aussi les Indiens et les voyageurs doivent-ils emporter dans leurs expéditions un aliment très substantiel sous un faible volume. C'est le taureau ou pemmican, le viatique indispensable à tous ceux qui s'aventurent au loin dans les solitudes. Le taureau est composé de viande séchée, naguère du bison, pilé menu et pressé dans un sac fait de la peau de l'animal et mêlé à de la graisse fondue en quantité presque égale à celle de la viande. On y ajoute généralement des baies et du sucre. Le tout forme une nourriture tellement compacte et rassasiante que l'Indien le plus vorace ne parvient pas à en manger plus de 2 kg par jour. La ration normale est de moitié seulement. La préparation du taureau et des autres vivres, telle est la principale occupation des hommes laissés pendant l'hiver dans l'effort de traite. Chaque année, la compagnie de l'Hudson fait tenir un compte exact de tous les approvisionnements procurés par les chasseurs dans chacune des stations du Grand Nord, afin de régler la marche des voyageurs et donner rendez-vous aux Indiens fournisseurs de pelleteries. Souvent, les trappeurs n'ont eu d'autre nourriture que les courroies dont ils se servent pour envelopper leurs paquets de pelleteries, ballots d'environ 40 kg composés de peaux fines qu'enveloppent des fourrures plus grossières. Dans la partie de l'immense territoire où nulle communauté de blancs ne s'est encore fondée, le prix des marchandises, couvertures, étoffes, tabac, munitions ou pemmican, est toujours évalué en pelus, c'est-à-dire en peaux, et ces peaux elles-mêmes sont une valeur idéale. Autrefois, c'était de véritables fourrures de castor, mais chaque article, chaque pelleterie ayant son tarif fixé à un certain nombre de castors ou beavers, on opère le troc sans l'intermédiaire du signe d'échange, qui d'ailleurs manque en certains districts. La valeur actuelle du pelu est d'environ 2 shillings anglais. Suivant les changements des coutumes et de la mode, et en proportion de la rareté plus ou moins grande des animaux de chasse, les fourrures ont augmenté ou diminué de prix depuis que les voyageurs parcourent les forêts et les toundras du Grand Nord. Les chasseurs ne font plus cas de l'hermine, désormais dédaignée par les personnages auxquels sa peau fournissait leur robe d'apparat. Ainsi, l'animal a été sauvé de la destruction qui l'attendait. Même les trappeurs s'écartent des districts où ils foisonnent parce qu'ils détruisent les amorces destinées à la martre ou au vison. D'autres bêtes à fourrure pourchassées à outrance sont devenues fort rares. Le castor, jadis très menacé lorsque son poil était utilisé pour la fabrication des chapeaux, eut une période de répit dès que l'usage de la soie prévalut dans cette industrie. Cependant, de vastes territoires dans les régions les plus méridionales de son ancien habitat ont perdu cet animal, et là où il subsiste encore, on a remarqué que ses travaux d'endiguement et de construction sont presque insignifiants en comparaison des monuments d'autrefois. La fourrure du renard noir a perdu de son prix depuis qu'on a trouvé le secret de teindre d'autres pelleteries d'un noir brillant et durable. On craint le prochain dépeuplement du territoire, depuis que certains chasseurs emploient la strychnine pour prendre les renards et les loups. Lorsque l'appât est gelé, il agit lentement. Les animaux vont mourir parfois à de grandes distances de l'endroit où ils l'ont saisi, et leur propre chair, dévorée par d'autres fauves, propage la mort au loin. L'animal le plus habile à déjouer les pièges est le carcajou, Gulolouscus, que les cris et les bois brûlés appellent diable. Comme les autres Indiens et les Métis, ils sont pénétrés d'un respect superstitieux pour cette bête de proie dont on raconte des traits prodigieux d'intelligence. Le carcajou est toujours en éveil pendant les grands froids de l'hiver, précisément dans la saison où ses congénères sont plongés en léthargie. Au lieu de fuir les trappeurs, il les suit afin de se nourrir du gibier pris au piège. La moufette Mephitis est aussi une bête redoutée, moins pour sa puanteur horrible que pour sa morsure, qui donne une espèce de rage différente de celle du chien, mais non moins dangereuse. La chasse des animaux et la vente des pelleteries se faisant pour le compte de compagnies privées qui se refusent à révéler les secrets de leur commerce, il est impossible de connaître exactement la valeur annuelle des produits fournis par les régions boréales de la puissance. Cependant, on a pu estimer la vente annuelle des fourrures grâce à la liste des marchandises offertes sur le marché de Londres, où sont exposées toutes les peaux canadiennes provenant en très grande partie des territoires du Nord-Ouest et spécialement des bords du Mackenzie. On n'a point encore tenté de faire pour les quadrupèdes à fourrure ce que l'on a fait pour les phoques des îles Pribilof, les renards bleus et les oies sauvages des îles alaskiennes, c'est-à-dire de les élever en des enclos distincts pour en exploiter régulièrement les produits tout en conservant la race. Il est probable du reste que la qualité des fourrures diminuerait si les animaux ne vivaient plus en complète liberté. Les mines, telle est probablement la richesse qui entraînera les populations vers le bassin du Mackenzie. Les vallées du Liar et de ses affluents, surtout le bassin où se trouve le lac de Dease, paraissent renfermer de l'or en abondance. Là sont les fameuses mines de Cassiar, ainsi nommées des Indiens Casca, qui rôdent dans ces régions montagneuses. Le village de Laketon, situé sur le delta du Dease Creek, au bord du lac, fut jadis un centre de population flottante très animé. Ainsi que le dit son nom, la vallée de la Coppermine est riche en gisements de cuivre et les anciens auteurs racontent que les rares indigènes se servaient du métal natif sans le fondre en le martelant à coups de pierre.